On va parler de Bantam. Demain, on devrait parler avec Luc Fortin, l'instructeur-chef des Rapides également. On va aussi parler également avec l'instructeur-chef des Saguenay de Chicoutimi. On sait que les Saguenay mènent 2-0 dans cette série. Quoi qu'il en soit, on va parler maintenant avec l'instructeur-chef des Hurricanes de Mastouillage qui sont en vacances depuis la semaine passée. Question un peu de faire le bilan de ça. On va parler avec Pascal Coutier. Salut Pascal! Oui, salut. Pascal, si on y allait maintenant avec la saison des Hurricanes, on a perdu en début finale. Est-ce qu'on est quand même content de la saison des Hurricanes? Oui, moi je suis très content de la saison. On a fait une très bonne saison, je trouve. Puis les joueurs ont très bien progressé. Fait qu'écoute, je peux pas demander mieux. C'est sûr que la Coupe d'eau déjà à la fin, c'est comme la cerise sur le gâteau, mais... Okay. Donc, on a fait une belle saison. OK. Qu'est-ce qui a manqué contre les Rapides? À la fin, tu sais, quand, dans un 3-5, là, la meilleure équipe finit toujours par gagner à la fin. Mm. C'est sûr, un match suicide, des fois, tu peux être chanceux, tu peux aller chercher un match, mais les autres, contre les Rapides, ben, comme j'ai dit à mon ami Luc quand je lui ai serré la main, la meilleure équipe a gagné. Fait que, il y avait une meilleure équipe que nous. Plus rapide. Puis, on est allé en chercher une. On a manqué à chercher deux matchs. Ouais. On a été chanceux sur le dernier match. Mais il y avait une très bonne équipe. OK. Du côté des Hurricanes, cette saison, ça a été quand même une belle année. Je pense que vous avez gagné le tournoi Bantam à Saint-Félicien. Hein? Oui, on a gagné le tournoi Bantam. Même s'il n'y avait pas beaucoup d'équipes, il y avait une équipe. Les cris de Mistissini, là, et c'était une grosse équipe assez forte. L'année passée, on avait manqué notre coup en perdant en finale, mais cette année, on a réussi à aller chercher la finale. OK. Du côté de... À quoi ça dit pour les prochaines années maintenant du côté des Hurricanes? Est-ce qu'il y a un bon noyau qui s'en vient? Est-ce que c'est positif? Je pense que c'est assez positif, mais moi, c'est sûr que c'était ma dernière année en tant qu'instructeur-chef pour les Bantam. OK. Donc là, moi, je vais prendre une autre vocation. Je vais aller dans les plus jeunes. OK. Je pense que prochainement, dans le Pee-Wee, ça s'en vient bien. Nous autres, on était assez... dans le Bantam, on était assez... comment je pourrais dire ça? Restreint dans le bassin, là. Ah oui? Écoute, parce que... Notre Bantam A, notre Bantam B, après, on est dans le secteur de Robertval. Dans la ronde des champions. Mais okay. Dans toutes les autres catégories, dans le Lacombe a gagné, Pee-Wee a gagné, Pee-Wee A, Pee-Wee B. Fait que dans le Pee-Wee, il y a un très bon bassin. Je pense que l'année prochaine, dans le Bantam 2B, ça va être une bonne équipe pour les deux années à venir. OK. Donc, c'est fort positif. Mais tu me dis que le bassin n'était pas tellement élevé. Pourtant, Mastouillage, il y a déjà eu des années où il y avait quasiment 50 joueurs pour faire le camp, comparativement ici où il y en avait 25. Donc, ça a baissé beaucoup. Ouais, c'est vrai que l'année passée, on était à peu près 35 pour faire le camp. Puis Dolbeau avait, l'année 2002, en tant que tel, Dolbeau ont toujours une bonne équipe. OK. OK. Donc, nous autres, un petit peu moins bonnes. Fait que c'est pour ça que dans ce temps-là, ça fait des bons bassins. Fait que, il y a là, 2 ans, Dolbeau ont été, en Pee-Wee 2B, ont été à la Coupe d'Ouest. OK. Tu te rappelles? C'est le même bassin qui était là. OK. Dis-moi, en terminant, Saguenay, rapide, c'est 2-0 pour les Saguenay. Comment tu vois ça en terminant? Est-ce que les Rapides sont capables d'en gagner une? Comme je te dirais, la meilleure équipe du Pouvoir Parc. Oui, c'est sûr. Les Tags ont vraiment une bonne équipe. Puis même s'ils ont gagné les deux en prolongation, ce qui arrive, c'est que les Tags sont. C'est une équipe qui trouve toujours le moyen de gagner. Nous, on a réussi à gagner contre eux autres cette année. Okay. Il y a deux équipes qui ont réussi à gagner contre eux autres. Il y a Saint-Bruno et nous. Puis Dolbeau n'ont pas eu la chance de gagner. Puis je pense pas qu'ils vont aller en chercher une. Mais je peux me tromper. Okay. Mais c'est une grosse équipe. En plus, pour qu'ils aient gagné chez eux à Chicoutimi, ça va être très dur. Oui, c'est clair. Ben Pascal, félicitations. Ça fait un grand plaisir. Puis merci de ta collaboration tout au long de l'année. On ne s'est pas parlé souvent, mais durant la série entre Mastouillage et les Rapides, on s'est quand même parlé. Donc, bonne chance pour mettre les Bulldogs de Saint-Félicien. Parfait, merci. Voilà l'instructeur-chef des Hurricanes de Mastouillage, Pascal Cloutier.